Salut, c'est Radio Cayenne et ce soir on va vous faire un petit podcast de retour sur la manif du 5 décembre à Nantes. Et pour ça on va vous lire un article qu'on a trouvé sur nantes.indymedia.org et qui s'appelle « 5 décembre, une belle première mobilisation à Nantes ». Gros appel intersyndical pour cette journée de grève et manifestation. Plus de 55% de grévistes à la SNCF, 46% dans l'enseignement, un tiers des agents de la fonction publique, plus de 50% des salariés d'EDF et 7 raffineries bloquées. Par exemple, à Nantes, dans le public, 217 écoles sur 550 étaient fermées. À l'université, le campus de lettres et sciences humaines était bloqué ainsi que plusieurs lycées. Même les flics ont bloqué, trop brièvement, leur commissariat. Au moins 25 000 personnes se sont réunies dans les rues de Nantes ce jeudi 5 décembre. Au national, les syndicats annoncent 1,5 million de manifestants manifestantes. L'idée étant de protester contre la réforme des retraites qui devrait passer à un système à points. Mais dans les divers cortèges qui se succèdent, les slogans et revendications dépassent bien souvent le seul cadre de cette réforme. Chaque secteur, en grève et ou en lutte, apporte ses propres problématiques. Nous avons ainsi pu croiser les hôpitaux, les pompiers, les écoles, les étudiants et étudiantes, les cheminots, cheminotes, des écologistes radicaux, des lycéens, lycéennes, des gilets jaunes et autres précaires et chômeuses. Un joli « black bloc » entre guillemets s'était également organisé, faisant fleurir tags, peintures lurage et bris de vitrine tout au long du parcours. Ont été ciblés caméras, panneaux de pub, agences immobilières et compagnies d'assurance, boutiques SFR, commissariats, etc. C'est marqué, on en oublie peut-être, mais n'hésitez pas à compléter. Difficile de relater tous les événements qui ont pu animer ce cortège interminable, mais l'ambiance était dynamique. De nombreuses sonos et divers groupes musicaux, batucada, chorale, ont égayé la marche. Lors du parcours officiel, des interventions policières ont eu lieu, au niveau de la préfecture d'abord, contre les tagueureuses, et ensuite à des feux d'artifice, place Bretagne et vers commerce quand divers lieux, comme le commissariat, ont été ciblés. Les réactions étaient assez diverses. De nombreuses personnes sont aujourd'hui habituées à faire face aux keufs qui sont devenus une cible à part entière et à être vigilantes et solidaires contre la répression. Mais nombre de personnes aussi critiquaient voire invectivaient violemment celles qu'elles considèrent comme des casseuses. Pas de grosse désolidarisation de la part du cortège syndical cette fois-ci, comme on a pu en voir lors de précédents mouvements. La boucle se termine, retour au miroir d'eau. Les flics sont présents en masse alentour. Des personnes s'énervent, leur disant de dégager. Ça gaze et charge encore. La manif se pose un peu sur son lieu d'arrivée. Des cantines et buvettes se déploient, un son de système électrise la foule. C'est une bonne ambiance, mais les flics finissent par gâcher la fête. Une grosse partie de la manif est maintenant dispersée, mais reste encore au moins un millier de personnes, sûrement plus, et commence d'interminables heures où on essaye à maintes reprises de reprendre la manif par un chemin ou par un autre, nous heurtant chaque fois à une répression féroce. Lacrymogènes, grenades désencerclantes, tirs de LBD sont allègrement utilisés contre nous. Les charges sont parfois très violentes, il y a de nombreuses blessées. Des arrestations. La BAC et la CDI étaient présentes en masse, se déplaçant et agissant très rapidement, et souvent très près des cortèges. Ces forces répressives étant connues pour être les plus violentes et dangereuses. Des compagnies de gendarmes mobiles et de CRS étaient également mobilisées, intervenant parfois jusqu'au milieu des manifestants-manifestantes. À plusieurs moments, les groupes de personnes étaient attaqués par plusieurs côtés, quasi sans voie d'échappatoire possible. Pas d'hélico, ni canon à eau ou blindés, cependant, cette fois-ci. Thank you. Malgré le dispositif policier, les groupes de manifestants-manifestantes ont réussi à se balader de Duchessanne à Petite-Hollande, puis sur le cours des Incantotages jusqu'à plus de 18 heures, les effectifs s'amenuisant petit à petit. Grosse motivation, donc. Malgré le froid et la répression, plusieurs blessés sérieux et sérieuses, dont au moins une personne évacuée par les pompiers, a priori au moins 23 interpellations, dont 5 préventives, suite à des fouilles avant la manif, et 23 gardes à vue. Un rassemblement avait lieu en fin de journée devant le commissariat central de Valdec-Rousseau pour attendre les sorties des camarades arrêtés. Le vendredi matin, peu de personnes étant sorties, un rassemblement était encore appelé, qui se prolongera par le suivi des comparutions immédiates au tribunal. Un travail de solidarité et d'anti-répression indispensable, car après la police, c'est à la justice qu'il faut faire face, et contrairement à ce que peuvent en penser nombre de personnes, n'y ayant jamais été confrontées, cette répression peut être tout aussi violente et arbitraire que celle des flics en action. La presse indique 11 policiers blessés, et même si, en général, leurs « blessures » entre guillemets sont sans commune mesure avec celles qu'ils causent, il faut dire quand même qu'ils ont par moments bien mangé caillasse, feux d'artifice et peinture dans leur face. Certains groupes étant bien déter et la colère à leur encontre étant depuis un moment assez généralisée, on a pu voir de belles offensives et réactions aux attaques, les gens revenant systématiquement après les charges et les gaz, parfois même en contre-charge, tout en essayant au mieux de prendre en charge et protéger les blessés. Reste des progrès à faire pour éviter les arrestations, mais l'esprit est là. La marée chaussée nous est fortement antipathique. Fortement antipathique. Nous ne l'apprécions guère. Cassez-vous. À noter aussi que plusieurs assemblées générales ont eu lieu pour organiser les suites de la mobilisation à la Maison des syndicats et à la Maison du peuple, qui ont réuni au moins une centaine de personnes. Voilà, c'était un petit article à retrouver sur nantes.indymedia.org. Sur ce site, on trouve aussi le suivi jour après jour du mouvement qui commence.